RGM, Mosaïque, François, je vous propose de commencer par une petite revue de presse rapide. Dépistage colorectal insuffisant, ce qui concerne le cancer. Moins d'un Français sur trois pratique le dépistage du cancer colorectal. Pourtant, deuxième cancer le plus meurtrier. Il se guérit dans 9 cas sur 10 s'il est détecté tôt. C'est le cri d'alarme lancé par l'Institut National du Cancer. Donc voilà, il faut faire le nécessaire quand c'est possible. Contrôle technique, ce qui change le 20 mai. À partir du 20 mai, une nouvelle directive, il s'agit des voitures cette fois, directive européenne vient renforcer le contrôle technique des centres de contrôle spinaliens qui ne désemplissent pas, préviennent leurs clients. Dans les garages, on s'y prépare aussi. Eh oui, ça va coûter de plus en plus cher tout ça, si bien que certains ne pourront plus rouler en voiture. C'est peut-être le but de la manœuvre, qui sait ? Qui sait ? Vent debout contre la réforme judiciaire. Magistrats, fonctionnaires du tribunal d'Épinal et avocats du barreau étaient réunis un vendredi, ce vendredi le 31-3, donc c'est déjà ancien, afin de manifester leur opposition au projet de texte visant à modifier en profondeur l'organisation judiciaire. Carrefour bloqué par ses salariés en grève. Ça, c'était le 1er avril 2018. Difficile de faire ses emplettes pour les fêtes de Pâques. Voilà, Carrefour. À Carrefour, on n'est pas bien payé. Bon, donc si on est client à Carrefour, eh bien, on peut peut-être marquer sa solidarité avec le personnel d'une manière ou d'une autre. Qui sait, avec un peu d'imagination, on arrive bien à trouver un moyen de marquer que on n'est pas d'accord avec la manière. La bataille de Nancy au Louvre, la célèbre toile d'Eugène Delacroix du Musée des Beaux-Arts a rejoint l'exposition événement que lui consacre le Louvre depuis ce jeudi. C'était donc le 1er avril, elle s'envolera ensuite pour New York. Ah, les tableaux, il y en a, les œuvres d'art, il y en a qui voyagent, oui. Le télétravail, recours à la grève. Le gouvernement veut développer le télétravail et pas seulement quand les trains ne circulent pas. Depuis le 1er janvier, un employeur doit justifier son refus d'autoriser un salarié à travailler à distance. Le patron de PSA empoche 1 million d'euros pour Opel. Le conseil de surveillance du groupe automobile salue ainsi la performance exceptionnelle de Carlos Tavares après le rachat d'Opel l'été dernier. Donc si vous avez des actions Opel ou PSA, eh ben, vous pouvez être content, ça va vous rapporter certainement. Enfin, au moins pendant un temps, puis après c'est aléatoire. C'est un peu la loterie, la bourse. Maladie de Lyme. Appel à la vigilance. Une étude menée dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin confirme la forte incidence des borrélioses de Lyme en région Grand Est. Le nombre de cas en Alsace est deux fois plus important qu'au niveau national. Les 90 ans du président Poncelet, entouré de ses anciens conseillers généraux fidèles, et de sa famille, Christian Poncelet a fêté ses 90 ans à l'EHPAD L'Accueil, où il réside. Encore en forme, celui qui est surnommé le président, avec un P majuscule, un président, s'est dit touché par cette attention. Au-delà de la ligne 18, le monde rural, utilisateur... Cheminots retraités ou en fonction et élus se sont retrouvés au relais de la cité pour un tour de table qui parfois est allé au-delà de cette ligne 18 reliant Épinal à Saint-Denis-des-Vosges, fortement menacée de fermeture. Et ils n'ont pas l'air contents, les trois personnes, les trois messieurs qui sont sur la photo, ils n'ont pas l'air contents. La démarche est très, très, très moderne. Oui, très moderne. Pour continuer à assurer une qualité de soins, le département des Vosges passe à l'offensive. Il a piloté un plan santé qui a été présenté jeudi soir devant professionnels et élus en avant la médecine de demain. Nouvelle semaine tendue et cruciale. Édouard Philippe, le Premier ministre, reste droit dans ses bottes. Les syndicats de cheminots envisagent de durcir le mouvement et les perturbations se poursuivent sur plusieurs fronts. L'Arabie Saoudite. En mode séduction. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman poursuit sa tournée mondiale à Paris lors d'une visite officielle de 2 jours. Des contrats sont en jeu, mais de grandes divergences persistent. Ah oui, il a signé des contrats avec les pays dans lesquels il est allé avant et dans les pays dans lesquels il est allé après la France. Mais en France, il a distribué quelques poignées de main, mais il n'a pas signé beaucoup de contrats. Garnier Thiébaut lance une lessive bio. L'entreprise de textile Garnier Thiébaut lance ce 10 avril sa propre propre lessive, 100% végétale et biodégradable. Le produit a été créé par Salveco, basé à Saint-Dié et spécialisé dans la chimie végétale. Rail, hôpitaux, campus, même combat. Rassemblés devant la gare de Nancy, les cheminots lorrains ont été rejoints par des étudiants, des personnels du CHRU, des retraités unis dans une lutte contre la casse du service public. En Syrie, les États-Unis prêts à frapper. Ça, c'est un article du mardi 10 avril 2018. Donc, ça fait déjà 3 jours. Et depuis, il ne s'est rien passé parce que Trump a fait les gros yeux. Et puis, il a tapé du poing sur la table. Et puis, Poutine, en face, lui a dit, vous envoyez des fusées. Bon, ben, nous, on descendra vos fusées en vol. Et ensuite, on s'en prendra aux bateaux qui ont lancé les fusées. Alors, depuis, c'est pas vraiment silence radio côté Trump, mais le ton a baissé assez nettement. Aucune option militaire ne semble exclue après l'attaque chimique présumée et imputée au régime syrien de Bachar al-Assad. Israël serait à l'origine des frappes qui ont ciblé une base syrienne. Je suis allé au sans nom pour tenter d'aider les habitants à sauver les choses dans les décombres où l'on voit des pots de confiture, des sachets de pâtes explosées. Là, une jeune fille en pleurs dans la petite cabane à côté a miraculeusement échappé à la pelleteuse, me demande de l'aider à mettre ses affaires à l'abri. Hébété, elle m'explique que son copain est l'un de ceux qui produit les graines pour la ZAD, qu'elle séchait dans les sans nom. Alors, on va tenter de les chercher dans les ruines de la maison. Détruire des rêves, détruire des vies, c'est ce que le gouvernement a en toute conscience choisi de faire, c'est ce qu'il tentera de reproduire demain. Ce lundi 9 avril marque le début d'une longue bataille de terrain, bien que la préfecture essaye de nous faire croire que les habitantes ne sont pas aussi nombreux et forts que ces militaires, les gens qui luttent pour défendre leur maison et leur lieu de vie sont véritablement organisés et déterminés. Nous pouvons les aider de multiples façons dans les jours qui viennent. Nous pouvons nous rendre sur place et lutter à leur côté, de différentes manières, en résistant physiquement, en leur apportant de quoi se ravitailler, en étant témoins, en visualisant par l'utilisation de médias l'extrême violence qu'ils subissent, et ou en continuant d'en parler chez nous afin de s'assurer que ce qu'il se passe ne soit pas passé sous silence. Dénoncer les actes ignobles du gouvernement, organiser des rassemblements pour informer sur ce qui se passe, continuer d'en parler dans nos multiples réseaux, lutter jusqu'à ce que cela cesse et gagner cette première partie de bras de fer. Le gouvernement cherche à nous consommer, nous user, nous épuiser, mais nous pouvons en venir à bout en le poussant à se confronter à ses propres limites. La lutte ne s'est pas arrêtée ce soir. Aujourd'hui, elle n'a fait que prendre une forme nouvelle, celle d'un embrasement qui ne connaîtra pas de fin. Restons soudés, restons combatifs, et ne perdons pas de vue ce qui est en jeu en ce moment à Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas seulement un territoire, mais la victoire, l'espoir et la confiance dans notre capacité à faire et à construire ensemble des mondes meilleurs. Voilà. À retenir tout ça. Ensuite, mai 68 a commencé en 67, après la période euphorique des 30 Glorieuses, ce qu'on a appelé un peu bêtement les 30 Glorieuses. Il faudra discuter plus longuement de cette expression-là, les 30 Glorieuses. La France connaît une détérioration de sa situation économique, une montée du chômage et une baisse des salaires. Des ouvriers, notamment en Franche-Comté, Rodiaceta et en Lorraine, sidérurgie, vont faire grève et occuper leurs usines. Au Qatar, l'argent ou la prison. Incarcéré depuis 2013 au Qatar, le Mosellan Jean-Pierre Marangiu pourrait sortir de prison à condition de payer plus de 50 000 euros. Où va-t-il les chercher, ces 50 000 euros, hein ? Allez, aïe, quand la liberté s'achète, ça devient grave. Mais bon, c'est le Qatar, hein ? Le Qatar a des pays avec lesquels on est amis, à qui l'on vend des armes, mais qui pourtant financent aussi certainement, très certainement, Daesh, les attentats terroristes un peu partout. Hein. Alors voilà. Alors, des aveux passés au crible à l'aide du logiciel Anacrim. La justice s'est penchée sur les déclarations puis les rétractations de Muriel Boll en 1984. Alors, quel est le résultat de cette analyse faite par l'ordinateur, par le logiciel Anacrim ? on ne sait pas, c'était le vendredi 6 avril. Alors ça fait 7 jours, on ne va pas tarder à savoir les résultats, s'il y a des résultats intéressants. Vous en avez marre de ces grèves et de ces blocages? Faites-le savoir. Une série de points d'exclamation. Coupon à envoyer à votre employeur et au gouvernement. Je sous-signé, nom, prénom. Demande à ne pas bénéficier des améliorations que les travailleurs en grève pourront obtenir. Par exemple, je demande à travailler au moins jusqu'à 67 ans. Je veux pouvoir être licencié plus facilement. Qu'il s'agisse d'une incapacité due à un accident du travail ou à une diminution des bénéfices de mon entreprise. Je souhaite que mes indemnités soient réduites en cas de licenciement, y compris en cas de licenciement abusif. Je suis favorable à ce qu'il y ait un droit du travail par entreprise et non plus les mêmes droits pour tous. Je ne souhaite plus passer de visite médicale du travail. Je veux que mes horaires de travail, durée et répartition puissent être modifiés n'importe quand. Je veux pouvoir travailler jusqu'à 60 heures par semaine et même sans limite en cas de forfait jour. Je souhaite que mes heures supplémentaires soient moins bien rémunérées et je suis d'accord pour qu'elles me soient payées que tous les 3 ans. Je suis d'accord pour que mes dates de départ en congé puissent légalement être modifiées moins d'une semaine avant mon départ. Je souhaite que tous les acquis sociaux soient remis à zéro tous les 5 ans. Je suis favorable à l'étouffement des services de l'inspection du travail. Merci de répondre favorablement à mes demandes. Date et signature. Alors, en option, on peut ajouter, pour préparer l'avenir avec modernité, je ne souhaite plus bénéficier des améliorations gagnées par le passé. Je renonce à mes congés payés. Je renonce à la sécurité sociale. Je ne veux plus de salaire minimum. Je suis favorable à l'interdiction des syndicats et du droit de grève. Hein, voilà. Hein, ben, je suis sûr qu'il y en a qui sont capables d'envoyer ce machin-là. Hein, ben oui, on ne fait pas trop attention des fois, et puis on réagit mal, et puis après on s'en mord les doigts. Eh oui, là c'est quand même une sacrée blague. Hein. La chorale de C. Gelée revisite La La Land. Ah, ben voilà, hein, intéressant ça. Ensuite, les subventions sont approuvées. Après une première chasse aux œufs spectaculaires, un challenge de judo bien huilé. Ben voilà des choses intéressantes, des nouvelles qu'il fallait absolument, absolument communiquer. Explosion de notes au dernier rendez-vous à Golbe. Les petites mains préparent la fête du papier. Le retrouvaille des anciens du 170e RI. Remettre la philatélie à la mode. La RLS ou réduction du loyer de solidarité. Épinal Habitat va faire 5 millions d'euros. Ah oui, 5 millions d'euros de moins de budget et il va falloir boucler la boucle. Alors, il va falloir certainement augmenter les loyers. Hein. Réforme de la justice, les avocats ne lâchent pas. Université à Paris, Tolbiac frémit. Alors, les bateaux mis à l'eau à Gérardmer, c'est bien, c'est le printemps. Tout recommence, tout redémarre, les hirondelles sont de retour. Abolition des armes nucléaires, maison de vigilance, membre de l'ICAN, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017. Et il y a des actions en cours. Voilà. Article 2 de nos statuts, il y a tout ce qu'il faut comme information. Eh bien, voilà, vous avez de verre. Le 7 juillet 2017, à l'ONU, 122 pays ont adopté un traité d'interdiction des armes nucléaires. Le 7 juillet 2017, à l'ONU, ce traité interdit la possession et la menace d'utilisation des armes nucléaires, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire, pour que tous les États, dont la France, signent ce traité, rejoignent l'association. Frère de cœur depuis 30 ans, René Didier vit avec le cœur d'un autre depuis 30 ans. Un anniversaire qu'il tient à partager avec tous les malades. Eh ben oui, il y a 100 ans, semaine du 2 au 8 avril, une nouvelle bataille de Verdun va donner la victoire à nos troupes. 100 ans. Alors, mai 68, les raisons de la colère. Oh, ben les raisons de la colère, elles étaient nombreuses. Hein. Et puis, elles sont revenues, on est revenu quasiment au point de départ. Hein. On n'a pas tout perdu entre-temps, mais quand même, on nous a grignoté. Thyroïde, l'après Lévothyrox. Alors, Lévothyrox, c'est une affaire à suivre aussi. Hein. Ah oui, on en a parlé beaucoup à un moment, et puis maintenant, on aurait tendance à oublier. Ben, il ne faut pas oublier, parce qu'ils n'attendent que ça qu'on oublie. Un pont mobile restauré au fort du Parmont, bravo. Ensuite, la Chine ouvre le plus long pont maritime du monde. La Chine voit toujours plus grand. Bah oui, forcément. Jeudi, le pays a officiellement ouvert le plus long pont maritime du monde, un géant de 54 km qui relie les villes de Hong Kong et Macao à Zhuhai, au sud du continent. Avec ce colosse de 420 000 tonnes d'acier, on pourrait construire 60 tours Eiffel. Large de 34 mètres, disposant de 6 voies et de 4 tunnels, dont un sous-marin, ce pont permet de diviser par deux le temps de traversée de l'estuaire de la rivière des Perles. Les opposants à Hong Kong assurent qu'il s'agit surtout, pour le régime de Pékin, de renforcer son joug sur la ville semi-autonome. On note que le pont le plus long du monde se situe aussi en Chine. Il s'agit d'un pont ferroviaire de plus de 160 km de long, entre les villes de Danyang et de Kunshan. Alors nos gouvernants, ils peuvent peut-être se faire du souci, et nos entreprises cotées en bourse, etc. aussi, parce que la Chine est en train de monter sur le plan économique, et forcément ça laissera des traces. Hein. Ah bah oui, ça se passera pas comme ça, comme une lettre à la poste. Hein, il y aura forcément des dégâts collatéraux, comme disent les militaires. De l'électricité gaz à la Combeauté, les élèves de classe de CM2 ont beaucoup appris sur le cheminement de l'eau de la Combeauté à la production de l'électricité. Ils ont visité l'installation avec turbine d'Edouard Fernandez. C'était au Val d'Ajol le 6 avril 2018. Ben, je vous propose maintenant un petit peu de musique. Alors, que s'est-il donc passé encore à Remiremont et dans sa banlieue ? Un voyage de Révillon vers la stratosphère. Les classes de CM1 et CM2 de l'école de Révillon ont présenté ce vendredi un projet scientifique qui leur tient à cœur. À l'aide d'un ballon envoyé dans la stratosphère, ils vont pouvoir analyser des données dans plusieurs domaines. Tiens, ça fait penser qu'il y a eu une fête de la science il y a un an ou deux à Remiremont. Et c'était fort, fort intéressant. C'est dommage que ça ait disparu. Bon, peut-être que ça reviendra un jour. La rouste de Muriel Boll passée au crible. Les gendarmes viennent de procéder à l'analyse criminelle des 20 jours qui ont changé la face de l'affaire Grégory. Ceux pendant lesquels Muriel Boll a avoué, puis s'est rétracté. Alors là, peut-être que là est le nœud de l'affaire. En décryptant cette phase-là, il y aura peut-être moyen de enfin mettre un terme à cette affaire qui traîne en longueur. Le Théâtre du Peuple dévoile sa saison. Coup d'envoi de la saison estivale du Théâtre du Peuple à Bussan, ce jeudi avec la présentation du programme par son nouveau directeur Simon Delétang. Retour à une saison en deux temps avec deux pièces, une en juillet et une en août. Charles Carles, Puigdemont, libéré. Pour l'Espagne, c'est un nouveau revers. L'Allemagne estime que Carles Puigdemont ne s'est pas rendu directement coupable de faits de violence. Il ne peut donc pas être jugé pour rébellion. Ah ben voilà, si l'Allemagne se met à donner des leçons de démocratie au reste de l'Europe, ça serait bien. Ah ben oui, parce qu'il y a toute l'histoire qui est derrière et qu'il faudrait essayer de pas d'effacer. Mais bon, invité à découvrir quand Quant ou la belle image du net. Invités à découvrir de nombreux équipements communautaires, les élus de l'agglo d'Épinal ont fait une halte appréciée sur le site de Quant, le moteur de recherche français qui a racheté Xilopix et se veut éthique. Bon, ben il faut aller voir hein, Quant, vous tapez Quant et puis vous aurez une idée de ce que vaut ce logiciel. L'export comme levier de croissance. Grand Est passe deuxième région exportatrice juste derrière l'Île-de-France. À Maxéville, la PME ER Ingénierie contribue au résultat puisque cette année, pas moins de 70% seront réalisés à l'export. Lorraine, santé. Les antibiotiques, jamais automatiques. Un groupe d'experts de renommée internationale a coordonné par le professeur Céline Pulcini de Nancy a défini pour la première fois au niveau mondial une liste de critères minimum pour le bon usage des antibiotiques dans les hôpitaux. Des cagnottes pour aider les cheminots. La CFDT dispose d'une caisse de 125 millions d'euros pour compenser les actions des grévistes. Plusieurs cagnottes en ligne mobilise les particuliers pour soutenir les salariés dans leur mouvement. C'était le dimanche 8 avril. Alors il faut continuer, il faut les aider, parce que plus vite ils gagneront, plus vite le trafic redeviendra normal. Parce qu'ils ne se sont pas mis en grève comme ça pour le plaisir de perdre un 1/30 de salaire chaque fois, pour chaque journée de grève. Hein. Expulsion Manu Militari demain. Environnement Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport enterré près de Nantes, etc., etc. C'était le 8 avril. Et bien, on a vu que depuis, ben oui, il y a eu une expulsion. Expulsion Manu Militari. Et c'est grave. C'est grave. Parce que ces gens-là, ils avaient construit de leurs mains, avec pas grand-chose, avec peu de moyens, des habitations, des exploitations agricoles. Ils ne demandaient rien à personne, ils ne gênaient personne. Et voilà qu'on vient tout fracasser avec des pelleteuses, des bulldozers, des automitrailleuses, etc. Voilà. Alors ça montre quel est le sens de la démocratie quand nous gouvernons. Alors, job dating. Le mercredi 11 avril, à partir de 13h30, c'est passé, mais tant pis. Préparez votre futur, rencontrez des entreprises et décrochez votre contrat d'apprentissage dans l'industrie. Alors, on voit un jeune qui porte un casque high-tech. On voit pas ses yeux, il fait une drôle de tête. C'est ça l'apprentissage. Eh bien, merci. Pas pour moi. Pas pour ceux que je connais, que je fréquente. La déportation expliquée aux élèves. À l'initiative du Conseil municipal des jeunes, une conférence sur la déportation a été organisée à destination des scolaires. Des témoignages ont été apportés. Ça, c'était à Rambervillers. Trois placements en détention. Après une enquête qui s'est étendue sur 4 mois, gendarmes et policiers des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont procédé à une série d'interpellations. 3 individus sont en prison. 300 emplois menacés à la base Intermarché. Base Intermarché de Saint-Dié fermera au plus tard fin 2021. ITM Lait, la filière logistique des mousquetaires Intermarché, a choisi le site jurassien pour sa nouvelle base mixte. 300 personnes environ sont concernées, encore des chômeurs. Une machine XXL, c'est chez Alstom Munkjo. À Arche. La première phase du projet a débuté en 2015. La dernière s'est achevée le 16 janvier dernier avec l'inauguration en interne de la machine 6, la plus grosse du genre, 100 mètres de long, jamais construite dans le monde. L'exemplaire unique de cette machine hybride, capable de produire du papier décor et du papier servant de support à l'abrasif, se trouve chez Alstom, Munkjo à Arche. Nikita Mullar, le patron du site Vosgien, a effectué les présentations ce vendredi après-midi. C'était le 7 avril. Gérard Velzer en dédicace. L'avocat vosgien de Maître Gérard Velzer sera présent tout au long. Oh ben c'est déjà passé. Ce samedi après-midi dans les murs du Cultura à Épinal pour dédicacer son livre sur l'affaire qui a défrayé la chronique dans la vallée de la Vologne. Le populisme se lève à l'Est et se répand à l'Ouest. Avec la Hongrie, le populisme, je préférerais qu'on dise le fascisme, hein, parce que populisme, dans populisme, il y a peuple, et de parler de populisme, c'est un côté détestable, dédaignant pour le peuple. Avec le Hongrois Viktor Orban, probable probable vainqueur de ces élections, le populisme sortira confronté à l'Est de l'Europe. La nouveauté est qu'il gagne aussi à l'Ouest, plongeant l'Union dans l'incertitude. Ben oui, rappelons que il y a actuellement en France 6 millions de chômeurs, et que 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, c'était en Allemagne en 1932. Hein, et là, il y a eu une certaine forme de populisme, comme disent les journalistes de maintenant, mais qui s'appelait le nazisme à l'époque, qui a gagné les élections et qui nous a fait 12 ans de nazisme sur l'Europe, 73 millions de morts, hein, ouais, une guerre mondiale. SNCF, la grève au-delà de juin, point d'interrogation. Climat ultra tendu pour une nouvelle séance de concertation sur la réforme de la SNCF. Les syndicats jugent qu'ils n'ont rien pu négocier et appellent à amplifier la grève qui reprendra. Voilà. Surtout, ne te retourne pas. Le grand Jacques est parti hier, il nous laisse tout retourner. Jacques Higelin laisse derrière lui une foule sentimentale et mélancolique. Souvent, il arrivait en retard, se faisait désirer, mais il était capable de rester 4 heures sur scène si la magie opérait avec le public. Et souvent, il irradiait la foule, ravi d'être emporté par ce prince du livre. À 70 ans, cet intrépide lyrique, tout à la fois élégant et déjà gardé, était capable de bondir tel un cabri sur son piano à queue. Higelin laisse derrière lui des tonnes d'émotions, de bonheur, etc. Voilà. Alors, bon, lui, il payait ses impôts en France, ce qui n'était pas le cas de certains autres, entre guillemets, artistes. Installé à Miseré-Salines au nord de Besançon, il vise à sécuriser un tronçon de route qui sépare une école et une crèche. Le passage piéton 3D arrive dans le Doubs. Ah oui, alors là, il n'est pas question de rouler trop vite, parce que sinon, vous laissez votre pot d'échappement sur le passage en question. Bah oui, parce qu'il y a des parties, les bandes blanches, elles sont rehaussées. Eh oui, c'est mieux pour les piétons, parce qu'en cas de pluie, ben, ils marchent au sec. Et puis, voilà, et puis les automobilistes sont bien obligés de ralentir, parce que là, parce qu'il faut viser, il faut bien passer entre les parties rehaussées. Ça commence à devenir un peu excessif, ce genre de choses, peut-être, mais enfin, bon, voilà. Faut s'avancer dans l'enquête sur les moines de Tibérine. Moscou ferme le consulat américain à Saint-Pétersbourg. Le retour de Malala. Plus de 100 000 euros pour l'église. Plombières-les-Bains. L'association de soutien pour la restauration de l'église de Plombières-les-Bains vient de se réunir à l'Assemblée Générale, l'occasion de rappeler les nombreuses actions menées depuis 5 ans. Ah oui, là, comment le champignon là, hein. De nouvelles dalles de grès dans l'église Laval-sur-Vologne. L'église Sainte-Madeleine est en travaux depuis fin février. L'hôpital soigne ses internes à Remiremont. Une vingtaine d'internes sont actuellement accueillis à l'hôpital de Remiremont. Ces jeunes médecins en fin de formation passent 6 mois dans un service de l'hôpital, gynécologie, cardiologie, etc., pour valider leur cursus. Ensuite, eh bien, des promoteurs de l'espérance dans les Vosges, religion. À l'approche des fêtes de Pâques, Mgr Didier Berthet, évêque du diocèse de Saint-Dié, tient à livrer un message d'espérance et de fraternité. Alors, fraternité, sans doute, avec les infirmiers, les infirmières, les médecins, les juges, les avocats, les cheminots, etc. Sans doute, sans doute. C'est pas dit dans l'article, enfin, j'ai pas lu l'article complètement. Hein. La gourde du soldat Gallagher, le Vosgien Florian Crouvezier a découvert en 2016 dans le grenier de son grand-père une gourde américaine de la Deuxième Guerre mondiale, gravée au nom de Roy Gallagher. L'objet vient de repartir aux États-Unis. Il a réussi à retrouver, grâce au matricule de soldat du GI Gallagher, il a réussi à retrouver ses descendants et il leur a envoyé la gourde de leur grand-père, voilà, qu'il a retrouvé dans son grenier. Amandine Lannes en lice pour Miss Vosges. Alors, elle porte un beau casque de pompier, parce que non seulement elle est très jolie, et en plus, elle est pompier, elle est courageuse. À 18 ans, Amandine Lannes est en lice pour décrocher l'écharpe de Miss Vosges, l'occasion de revenir sur le parcours de la lycéenne, passionnée de football et sapeur-pompier volontaire. Eh oui, les temps changent, c'est bien. L'établissement privé attire de plus en plus d'élèves à Remiremont. Oui. On n'est pas des ouvreurs de boîtes, dit un cuisinier d'un collège. Le grand rush au job, le rush au job d'été est lancé. Voilà, bon, ben c'est, je ne sais pas, j'ai pas la traduction, alors je ne vous dirai pas. Le rush au job. Hein. Son nom est devenu celui de l'héroïsme français. Le chef de l'État a évoqué les figures historiques de Jean Moulin, Jeanne d'Arc et Charles de Gaulle dans son éloge funèbre à la mémoire de l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame qui a sacrifié sa vie pour sauver celle d'un otage. Les voitures bientôt équipées d'un système d'appel d'urgence. En mémoire des victimes du terrorisme. Alors qu'un hommage national est rendu à Paris, les gendarmes vosgiens ont également eu une pensée pour leurs collègues et les victimes du terrorisme de l'Aude, ce mercredi à la caserne du département. C'était le 29 mars. Faire face aux violences à l'hôpital. C'est une première fois dans les Vosges. 8 agents sont actuellement formés au centre hospitalier de Neuchâtel aux gestes préventifs et maîtrise des comportements violents. Ils formeront à leur tour 1200 agents. Oui, j'aimerais bien qu'on m'explique tout ça, moi. Bon. Claude François et Sheila, des cousins vosgiens. Un généalogiste amateur du territoire de Belfort a découvert un lien de parenté inédit entre les deux artistes français. Internet, gare à la cybercriminalité. Raoult-Bois, deux gendarmes ont présenté les dangers du web lors d'une conférence débat autour de la cybercriminalité. Une quarantaine de personnes ont pris conscience des mauvaises surprises qui peuvent survenir. L'église retrouve peu à peu son toit à Plombières. Plombières-les-Bains. En digne héritière de Napoléon III, la commune de Plombières-les-Bains bichonne son patrimoine. Première étape, le toit de l'église qui suit actuellement une véritable cure de jouvence que les habitants vont bientôt découvrir. Voilà, il fallait refaire la charpente qui était abîmée. Recruteur à seulement 20 ans. Une nouvelle agence d'intérim a ouvert ses portes à Épinal dans le quartier de la Madeleine. Son patron est un spinalien, Ervan Ballant, qui n'a que 20 ans. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il a déjà beaucoup d'expérience derrière lui. Eh bien, c'est bien. Il va pouvoir recruter et trouver du travail aux autres. Et puisqu'il a trouvé du travail, lui. Un travail qui consiste à trouver du travail aux autres. Pas bête comme truc, hein. C'est du deuxième degré, hein. Oui. L'école sera obligatoire dès 3 ans. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier que les petits Français devraient être tous scolarisés dès 3 ans à partir de 2019. Matricule 54 280 à Auschwitz. Angèle Amé, originaire de Slovénie, est une rescapée du camp de la mort. À 95 ans, cette byzantine d'adoption témoigne pour la première fois de ses années de déportation. Oui, il est temps qu'on se souvienne de ce qui est arrivé à ces gens-là et que l'on recherche les causes de cette catastrophe, pour l'humanité, pas seulement pour les déportés. Pas seulement pour ceux qui sont morts, ceux qui sont revenus vivants ont gardé des traces et doivent rêver la nuit de choses particulièrement horribles. Alors, Alsace, les douanes ont fait une importante saisie d'objets archéologiques. La fac de lettres est bloquée à Nancy. LuxLeaks, le clap de fin prévu le 15 mai. Antoine Deltour comparaissait une dernière fois devant les juges luxembourgeois pour des faits annexes au scandale LuxLeaks. Le jugement sera rendu le 15 mai prochain. Alors espérons qu'il sera net, propre et juste, ce jugement. C'est-à-dire qu'il sera non seulement libéré de tous les soupçons et qu'ensuite on lui donnera une médaille, parce qu'il a déjà eu une médaille par le Conseil de l'Europe pour son action, Antoine Deltour. Eh ben oui, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui fait du bien à la communauté. Ah oui. Il y a 50 ans, mourait Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Le Viagra a 20 ans. À Taïwan, les scooters avec batterie en libre-service. En savoir plus sur l'endométriose à Épinal, 4 élèves en terminale ST22S, sciences et technologies de la santé et du social, du lycée Louis Lapique, ont organisé une conférence sur la thématique de l'endométriose. Octogénaire tué, le caractère antisémite retenu. Et puis maintenant on s'est rendu compte que c'était faux. Monsieur Macron s'était un peu précipité. Hein, ben oui, ça l'a rangé à ce moment-là, de sauter sur cette occasion-là. Eh oui, c'est un communicant, essentiellement un communicant, pratiquement seulement un communicant. Pour Macron, la reprise implique plus d'efforts. Foire, un ouvrier écrasé par une nacelle. Une garde à vue qui interpelle. Nicolas Sarkozy, l'audition de l'ancien président de la République ayant abouti à sa mise en examen, suscite les réactions des lecteurs. quand l'Alsace songe à la Corse. D'une rencontre avec des élus insulaires, un appel de personnalité pour une collectivité à statut particulier, en passant par un sondage éloquent, le réflexe identitaire alsacien reste vivace. Voilà. Eh bien, je vous propose maintenant déjà un peu de musique, et puis en même temps, juste après, une série d'enregistrements, comme je fais d'habitude. Alors, sur des sujets divers et variés, d'où le nom de l'émission, Mosaïque, hein, avec un peu de musique, un peu des histoires marrantes aussi, hein, parce que parler que de choses sérieuses, c'est pas bon pour le moral, hein. Bonjour Victor. Oh mon amour, je suis content d'entendre ta voix. Je préférais attendre de me sentir prête à te voir. Bonjour Bruno, je m'appelle Pascal et ma passion c'est l'arbitrage. Eh bien vous savez quoi ? Pour voir si on n'a pas besoin d'aide. Monsieur. Dites-moi. Installez-vous plutôt à la table. Les seules émissions qu'il a fait, je crois que c'est la seule émission. C'est la seule émission. Et Luc Besson, vraiment, je suis fan de lui. C'est ma fille à moi. Ça va aller, madame. Emmanuel Macron est arrivé, il est interpellé à quelques mètres de l'école. Alors, encore une fois, c'est sur l'eau. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le pouvoir d'achat n'est pas une question abstraite, c'est une question de rapport de force. Il faut donc en discuter à partir de cas précis. À Carrefour, un plan social prévoit la suppression au total de 10 000 emplois. le basculement de sites en statut de location-gérance qui les exclut des accords d'entreprise Carrefour retire plus d'un mois de salaire aux employés concernés. J'ai soutenu la grève des salariés en lutte contre cette situation intolérable avec mes collègues de la France Insoumise et je veux leur renouveler un salut fraternel depuis cette assemblée. Quelle ironie que Carrefour ose, dans le contexte actuel, maltraiter à ce point celles et ceux à qui l'entreprise doit sa richesse. Elle la doit à ses travailleurs et les attaque, mais elle la doit aussi à l'ensemble des Français. Depuis 2013, les contribuables ont versé 744 millions d'euros à Carrefour et la Sécu a été privée de 2 milliards d'euros de cotisations salariales. Dans le même temps, Carrefour versait 2,4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Cela signifie que chaque foyer imposable a donné 44 euros aux actionnaires de Carrefour. Cela signifie que la direction de Carrefour a versé l'équivalent de toutes les aides publiques reçues à ses actionnaires. Les voilà les assistés qui nous coûtent cher. De plus, Carrefour est également un grand utilisateur de l'optimisation fiscale via la Belgique. Lorsqu'un groupe fraude le fisc, monsieur le ministre, on le sanctionne, on ne l'arrose pas d'argent public. Le lendemain de l'annonce du plan, mal nommé plan social, l'action Carrefour a pris 6%. Ces gens n'ont jamais fini de se gaver et de s'en satisfaire. Les bénéficiaires de votre politique qui a baissé l'impôt sur le capital sont également ceux qui sabrent le champagne à chaque licenciement. Comment le leur reprocher lorsque la ministre, Madame Pénicaud, a elle-même touché des bonus pour les plans sociaux qu'elle supervisait à Danone? Je vous demande donc, monsieur le ministre, ce que vous entendez faire pour protéger les salariés, récupérer l'argent des contribuables dilapidés, mettre fin aux pratiques d'évasion fiscale des grands groupes, limiter la rapacité de la finance et ainsi lutter vraiment et effectivement pour le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et concitoyens. Merci monsieur le Président. C'était la députée insoumise des Insoumis, Caroline Fiat, qui intervient à chaque fois qu'elle a l'occasion, à chaque fois qu'elle le peut à l'Assemblée nationale, ainsi que Mathilde Panot que nous allons écouter maintenant. Basculement de sites en statut de location-gérance qui les exclut des accords d'entreprise Carrefour. La parole est maintenant à Madame Mathilde Panot. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous venez d'annoncer que le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes va être abandonné. C'est pour nous une très grande victoire. Nous avons, avec nos amis, été de toutes les journées de défense de ce territoire rural menacé par ce projet d'infrastructure inutile, anti-écologique et coûteux. Nous saluons cette décision d'intérêt général. Nous vous reconnaissons le mérite d'une décision raisonnée. L'avion, nous le rappelons, ne peut en aucun cas être le transport du futur. L'accroissement du transport aérien et la multiplication des infrastructures aéroportuaires dans le monde vont aggraver le changement climatique. Ce sont des mauvaises nouvelles pour l'humanité. Mais nous pouvons nous réjouir cette semaine. Hier, nous avons gagné au Parlement européen pour faire interdire la pêche électrique. Aujourd'hui, nous menons un combat mené de haute lutte et je salue depuis cette Assemblée celles et ceux qui n'ont jamais rien lâché et sans qui cette victoire n'aurait pas eu lieu. Cet abandon doit servir d'exemple pour les nombreux projets inutiles qui demeurent comme autant d'aberrations dans notre pays. Vous avez donc rejoint, monsieur le Premier ministre, le camp des raisonnables. Avec le groupe de la France Insoumise, nous espérons que vous y resterez au moins un instant. Le déploiement des forces de police autour du site nous interroge. 500 gendarmes mobiles aux alentours, 500 CRS à Nantes et Rennes. Que font-ils là? À quel besoin répond un dispositif si important? Vous savez comme moi que le 10 février se tient une journée qui, au vu de votre décision de ce jour, pourra fêter une victoire. Nous n'osons penser que, mécontents d'avoir dû accorder au pays une décision de bon sens, vous vouliez en effacer les célébrations dans une démonstration puérile et déraisonnée d'autoritarisme. Celles et ceux qui souhaitent partir, partiront, et celles et ceux qui sont installés, cultivent la terre, resteront. Notre-Dame-des-Landes doit devenir une terre d'expérimentation concrète de transition écologique. Allez-vous épargner, merci, monsieur le ministre, madame une épisode la de députée. Violence quand d'autres... La parole est maintenant à madame Mathilde. La parole est à madame Mathilde Panot pour la France Insoumise. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais commencer cette intervention en rappelant quelques éléments de contexte lorsque vous nous demandez de ratifier ces ordonnances relatives à la participation et à l'information citoyenne sur des projets ayant un impact sur l'environnement ou sur la santé humaine. Tout d'abord, un premier point sur la méthode avec lequel nous serons en désaccord. Il nous semble assez ironique, alors que nous parlons de démocratie environnementale, de légiférer par ordonnance sur un projet visant à accroître la démocratie sur ces questions. Encore une fois, on nous prive du temps de débat nécessaire afin que les nouveaux droits donnés aux citoyens ne soient pas des droits fictifs. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, cette volonté de modifier les modalités de consultation publique faisait suite au dossier du barrage de Sivens. Ce dossier, cas emblématique de ce qu'un projet contraire à l'intérêt général pouvait entraîner comme conséquences environnementales et humaines, à cet instant, comme nous l'avons fait en commission, nous vous invitons, comme un antidote à la violence, à garder en mémoire le visage et le nom du jeune militant Rémi Fraisse qui a laissé sa vie. Et nous le disons avec force, nous avons dû payer d'un mort pour que soient prises en compte les mobilisations populaires qui se battent contre les projets inutiles et qui n'en peuvent plus qu'on saccage tout. Cela n'est pas acceptable. Alors, soyons à la hauteur de l'urgence écologique. Où est la protection des lanceurs d'alerte dans ce texte qui doit permettre l'information des citoyens? Quelles sont les garanties d'une information et d'une participation du public réel et non d'un enfumage médiatique? Je vais briser un peu ce consensus et cette unanimité, mais dans la version actuelle du texte, le groupe de la France Insoumise ne votera pas cette ratification, et ce pour plusieurs raisons. La première, et nous avons été plusieurs à le soulever en commission, c'est le seuil trop élevé, et notamment celui de 500 000 citoyens et citoyennes qui permet par pétition de saisir des projets qui rend, à cause de ce seuil trop élevé, l'effectivité de ce droit citoyen plus qu'hypothétique. À quoi servirait de créer des droits dont nous ne pourrions pas nous servir? D'ailleurs, concernant les seuils, la Commission nationale du débat public elle-même avait préconisé de baisser ces seuils à 100 millions pour le coût des projets autorisés à saisine de la Commission, en soulignant la nécessité notamment d'empêcher les maîtres d'ouvrage de ne pas remplir leurs obligations en sous-estimant l'impact, l'ampleur ou le coût de leurs projets, ou en les saucissonnant afin d'échapper au devoir de mettre en place un débat public. À cet instant, je ne peux pas passer sous silence la discussion qui a eu lieu à la Commission du développement durable, et alors qu'un relatif consensus s'établissait autour de ces seuils trop élevés, le secrétaire d'État, M. Lecornu, pointait le risque d'un trop fort afflux de projets étudiés devant la Commission nationale du débat public et l'impossibilité matérielle d'y faire face au regard des moyens dont cette structure dispose. Pour vous l'expliquer de façon plus claire et peut-être plus directe, le gouvernement veut bien que les citoyens s'occupent d'environnement, mais sans y allouer un sou de plus. Vous comprenez que cette logique, nous la contestons. Il faut des moyens, faute de quoi ce dispositif deviendra une conviction factice. La deuxième raison pour laquelle nous nous opposons à ce texte en l'état, c'est que les grands projets inutiles déjà en cours, tels que le site d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, le projet de Notre-Dame-des-Landes, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, qui ont pourtant des impacts écologiques, sociaux et environnementaux extrêmement importants, ne sont pas inclus dans ces textes. Si nous devions citer un troisième exemple, c'est aussi parce que ces ordonnances augmentent le nombre de projets soumis à évaluation environnementale au cas par cas et non de manière systématique. L'urgence écologique impose des mesures sérieuses et non des principes de pas vu, pas pris qui visent à diminuer le niveau de contrôle des chantiers. Et je voulais vous donner l'exemple d'un dossier d'information de la Commission nationale du débat public de juin 2016 sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui montre bien les insuffisances dont je viens de parler. Ce dossier présente 16 pages mettant face à face les arguments des partisans et des opposants de Notre-Dame-des-Landes, synthétisés en 6 points pour et 6 points contre, mais aucune étude indépendante, ce que la Commission regrettait d'ailleurs dans le rapport. La Commission déclarait ne pas avoir eu accès aux annexes du contrat de concession du nouvel aéroport, vous imaginez l'information, et avait aussi déclaré avoir égaré un document de l'Adréal allant dans le sens des opposants de l'aéroport. On peut aussi noter que dans ce rapport d'information, il n'y avait pas d'information sur le soupçon de conflit d'intérêts qu'avait le préfet de Loire-Atlantique de l'époque qui avait autorisé le projet et qui est finalement parti travailler à Vinci, principal intéressé dans le projet de construction. À l'heure où le climat change 170 fois plus vite à cause de l'activité humaine, ces ordonnances sont, selon nous, pas à la hauteur de nos enjeux. Merci. parfaitement, l'Alphonse des bouteilles. Et pourquoi pas, Père Polyte? Bien sûr, votre homme n'est pas plus bête que l'autre, Pélagie. Il n'a peut-être pas la langue aussi bien pendue que vous, vieille tatouille. Mais ça serait autre tout de même s'il n'était pas élu aujourd'hui après tout ce qu'il a fait pour la commune. Oh, je ne tiens plus en place, je suis sur les charbons ardents. Il m'a promis de téléphoner, on aura bientôt des nouvelles. C'est qu'il a contre lui le beau monsieur Flachot, le fabricant de galoches, et puis le Bartaka, le rouge, l'anarcho. Et ils sont bourrement demenés tous les deux. Ah, ils en ont payé des bonnes bouteilles. Pensez-vous de la belle roustie sur tout ça à côté de l'Alphonse? Il y a longtemps qu'il a fait ses preuves au conseil municipal. Et au conseil général, et ailleurs. Ah, il la connaît dans les coins, votre Alphonse. Il est de tout, on le voit partout. Il ne regarde pas sa peine, lui. Il y en a assez qui se la coule douce, comme vous, Père Polyte. Il ne pense qu'à rendre service aux autres. Eh bien, pour ce qu'on lui en sait gré, oh là là. Comme on dit, faites du bien au vilain, il vous fuit dans la mer. Dites-moi un peu qu'il ne s'est pas mis en quatre pour faire avoir un bureau de tabac à votre Léopoldine quand son homme est mort. Et sans lui aussi, votre Lonlon serait encore à se tourner les pouces au lieu de faire le mariole comme sergent de ville à Paris, hein? Il ne pense qu'à faire plaisir aux autres, que je vous dis. La commune lui doit une belle chandelle. Il est aussi intéressé pour elle qu'il est hardcore pour lui. Heureusement, c'est toujours lui qui a empêché les bêtises que voulaient faire ses acolytes. Tout le monde sait bien que s'il n'avait pas été là, il y a au moins 2 ans qu'on aurait un autobus qui passerait 3 fois par jour. Un sans-prix autobus, comme vous dites, qui nous casserait les oreilles. C'est bien vrai, Père Polyte. Et le chemin de fer, a-t-il fallu qu'il se démène hein, pour qu'on ne le fasse pas passer par ici? On est autrement tranquille comme ça. Vous avez votre automobile, vous, d'abord. Bien sûr que nous l'avons, notre auto. On a assez travaillé pour ça, hein? Les autres n'ont qu'à faire comme nous. Tiens, parbleu, c'est comme l'électricité. Si l'Alphonse n'était pas là, il y a belle lurette que le village serait éclairé. Mais on paierait plus cher que ça ne vaudrait, comme vous dites, Pélagie. C'est du luxe que ça, on peut s'en passer, voyeur. Est-ce qu'on en a besoin puisqu'on se couche aussitôt que la nuit est tombée? Ça ferait des dépenses en plus pour tout le monde, et voilà tout. Je sais bien ce que ça nous coûte à nous-mêmes depuis que nous l'avons fait émettre. Le moteur et tout, pfff. Oh, vous savez ce que j'en dis, c'est pour causer. Moi, je m'en bats l'œil. Ici, nous serons bientôt comme dans l'île de Robinson crucifiés. Votre Alphonse ne veut pas plus voter l'argent qu'il faudrait pour curer les marécages du village que pour empirer les routes. Ce n'est plus que des ornières, des cassis, des bases d'eau. Les gros camions n'osent même plus y passer. Et on aura bientôt plus besoin d'aller à la pêche aux grenouilles. Elles sauteront toutes seules dans la poêle à frire. S'il n'y avait pas de grenouilles qui chantent, comment est-ce que vous sauriez le temps qui fera le lendemain, mon vieux bavard? Dites. Et puis ne regrettez donc pas la cacophonie des autos. C'est un paradis, notre pays, à côté des autres. Un paradis perdu, oui, ou s'il restera bientôt puni à d'ennuyer. En tout cas, le serpent ne s'en ira pas tant que vous y serez, vous, vieille peste. Eh bien, si vous n'êtes pas content, vous pouvez changer tout ça puisque nous allons fiche le camp à Paris. Mais c'est vrai, vous allez devenir des Parisiens à gros bec. C'est là que vous allez faire la fière. Vous serez dans les grands personnages. Oh, ben, ça ne m'embarrassera pas, allez. J'ai déjà eu l'habitude. J'ai déjà été dans les grandes maisons. Oi, oi, oi, quand je portais le lait à Nancy tous les matins, à la préfecture, à la mairie, à l'évêché, à la caserne, à la prison, je sais parler aux personnes, moi. Le roi ne sera plus votre cousin. Oh, mais ce n'est que le commencement. L'Alphonse député et puis sénateur peut très bien devenir ministre. Oh, ministre. Ben quoi, ça n'aurait rien de drôle. On est en République, Neb. Tout le monde peut arriver à être président de la République. L'Alphonse aussi bien qu'un autre. Eh, ma foi, ça lui pend au nez comme un sifflet de dessous. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait donc? Il ne téléphone pas. Et puis nous allons faire les beaux voyages. Ça m'ira, ça, moi qui ne peux pas tenir en place. L'Alphonse m'appelle la dame qui a toujours une jambe en l'air. Je vais m'en payer des métros et des autobus. On ne verra plus que la Pélagie dans tous les coins de Paris. Vous voyez déjà en grande dame de la République, hein, avec tous les embrassadeurs, les rouets, les empereurs qui viendront trinquer avec vous. Mais oui, et nous leur rendre leur politesse, sans compter les pachas, les sultans. Et les sultanes. Faudra avoir l'œil sur l'Alphonse, par exemple. Y a pas de danger. Après sa Pélagie, on peut tirer l'échelle. Ah, la voici, c'est le téléphone. Alors, oui, c'est toi, Alphonse? Ouais, comment? Ce n'est pas un député? Oh, c'est le Bartaka qui est élu, la fripouille là. Oh, par exemple, c'est à vous dégoûter des tonnettes. L'affaire du Montari près de Mec, ça ne m'étonnerait pas. Allô, on vient vite, mon homme, mais non, je ne t'en veux pas. La Pélagie te consolera, au contraire, ne t'en fais pas. Tu seras toujours mon bon gros fonfonce, ben. Oh, tout de même, les ingrats, les petits gens. quand je vous disais de vous méfier, hein. Ah, oh, vous, fichez-moi la paix, hein. Vieille tétrelle, vieille charrasse, vous êtes bon à mettre avec toute la poignée du pays. C'est ça, fâchez-vous tout rouge, Pélagie. On ne peut pas tomber de si haut sans se faire mal. Nous ne sommes pas tombés du tout, vieux chaluard. C'était pour rendre service aux pètezouilles comme vous que l'Alphonse voulait bien être député. En tout cas, ma pauvre Pélagie, vous pouvez dire Arroir, Paris, métro, autobus, embrassadeur, etc. Pas du tout. Nous irons tout de même à Paris. Il y a assez longtemps que notre nièce, la Justine, nous y invite. Nous l'aiderons dans son caboulot. Je ne pourrais plus boire ici d'abord, même en peinture. Je m'en irai tout droit devant moi sans regarder en arrière. Pas de danger que je sois changé en statue de sel, comme dans l'histoire sainte. Et maintenant, allez-vous-en dans vos pénates, vieux portrait de frayeur. Je vais préparer nos affaires pour décamper par le premier train. Alors, bonsoir, Pélagie, sans rancune aucune. Bonsoir et bon vent. Oh, et puis, après tout, ça vaut peut-être mieux comme ça. L'Alphonse député. Non, mais qu'est fichu idée. Oui, pas. C'est toujours délicat d'utiliser ce genre de terme et on se demande d'ailleurs tactiquement si on a raison de le faire. Et c'est une question que je me pose. Ce que je trouve que l'on voit et ce qu'on a vu sous le gouvernement de Valls notamment, qu'il y a des éléments extrêmement probants pour le dire. Tout simplement, la Ligue des droits de l'homme avait publié un rapport qui montrait que lorsque Valls était aux affaires, au ministère de l'Intérieur, puis comme Premier ministre, la persécution des Roms et des travailleurs sans papier avait été, mais très largement supérieure à celle de ses prédécesseurs, que ce soit Sarkozy, Hortefeux ou du même genre. Il y avait déjà ça. Le discours de Valls contre les Roms, il suffit d'enlever le mot « rom » et de mettre « juif » à la place pour entendre un discours de 1930. Hein ? Ça marche très très bien et sans vraiment... Bon, il y a ça. On a bien vu que l'état d'urgence, soi-disant proclamé pour nous défendre contre les terroristes, a été utilisé, mais majoritairement, j'ai presque envie de dire unanimement, contre des syndicalistes, contre des altermondialistes, contre des écologistes opposés aux barrages et aux différentes folies administratives pour transformer le paysage, etc. Donc on voit bien qu'il y a ce mouvement-là. J'ajouterai à ça, bien évidemment, comment l'action syndicale a été désignée comme coupable sans arrêt, comment on a voulu faire des syndicats et des syndicalistes, ceux qui étaient responsables de tous les désordres, etc. Donc, entendu, c'est pas la même chose que le fascisme en Italie dans les années 20, c'est pas la même chose, mais ça y ressemble. Et que ça y ressemble, ça doit nous faire réfléchir. Madame la ministre, nous avons noté vos annonces, notamment sur la question du contrôle des chômeurs. Mais nous notons aussi que les chômeurs sont déjà contrôlés par Pôle emploi. 86% de ceux qui sont contrôlés sont en recherche active d'emploi. Et pour les 14% restants, près des deux tiers ne perçoivent aucune indemnité. Et pour vous, cela n'est pas suffisant. Il faudrait encore renforcer le contrôle et les sanctions. Rappelons au passage que les indemnités, ce n'est pas la charité qui indemnise les chômeurs. Ils le sont parce qu'ils ont payé des cotisations sociales sur leur précédent salaire. Le gouvernement compte multiplier les effectifs de ceux qui contrôlent les chômeurs pour augmenter le nombre de sanctions. Par contre, il refuse de créer les 3000 postes de contrôleurs fiscaux qui permettraient de revenir aux effectifs de 2010 alors que cela pourrait récupérer 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale. À titre de comparaison, la fraude aux allocations chômage représente chaque année 58 millions d'euros, soit 1380 fois moins. Dans les pays où il a été adopté, vous le savez, le contrôle renforcé des chômeurs n'a eu aucun effet sur le retour à l'emploi. Le mythe de la responsabilité des chômeurs face à leur situation provient de la thèse des emplois non pourvus. Regardons de plus près. Selon Pôle emploi, environ 190 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues en une année. Un chiffre qu'il faut rapporter aux 24 millions d'offres qui le sont. Au total, 99,6% des offres d'emploi sont pourvues. Il ne reste donc qu'une offre non pourvue pour 44 chômeurs. Si l'on prend cette fois le nombre d'offres qui sont retirées du marché faute de candidats adéquats, on obtient le chiffre d'une offre pour 300 chômeurs. chômeurs, c'est dérisoire. La cause du chômage de masse est avant tout une pénurie d'emplois et ce fléau ne peut cesser qu'à la condition d'un plan de relance public vers des activités productives et écologiquement responsables. Madame la ministre, je vous pose la question, n'est-il pas absurde d'exiger une recherche d'emploi frénétique dans un contexte que l'on sait être un contexte de pénurie? Et que pensez-vous par ailleurs de l'extension possible de l'expérimentation d'ATD Carmonde des territoires zéro chômeur qui permet de transformer les aides dans un contrat de travail pérenne? Je vous remercie d'avance. Madame la ministre. Tiens, Lachaud. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, ministre chargé des cultes. J'entends maintenir et au besoin faire plus profonde que jamais cette antique et salutaire séparation de l'Église et de l'État. Proclamé Victor Hugo, 25 ans avant la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Seule la laïcité a mis fin aux guerres de religion. C'est un pilier de la République une et indivisible. C'est le socle de la paix civile. C'est le principe qui considère tous les citoyens à égalité, indépendamment de toute considération. C'est elle qui garantit la liberté de croire et de ne pas croire. C'est elle qui permet la liberté de conscience absolue. Rien ne doit détourner le peuple de la recherche de l'intérêt général. En République, comme disait Jaurès, il n'y a pas de vérité sacrée. Aucun dogme ne doit limiter la perpétuelle recherche de la raison. Mais tout le monde se souvient de la complaisance des églises à l'égard des violents de la Manif pour tous. D'ailleurs, peut-on savoir quelles sont les contributions pacifiques des religions sur le droit à l'IVG, sur le respect des droits LGBT par exemple? Après avoir accepté d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur du pape, voilà que le président de la République entend réparer le lien entre une église et l'État. Ce lien n'a pas été abîmé, il a été délibérément, heureusement et définitivement tranché. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans le démantèlement de l'État et de la République. Par un calcul clientéliste dégradant, le président porte très gravement atteinte à la Constitution dont il est théoriquement le garant. Il ne faut pas jouer avec la laïcité. Il ne faut pas rallumer les guerres de religion si promptes à s'embraser. Ainsi, ma question est simple. Monsieur le ministre, comment comptez-vous garantir le respect de la loi de 1905 alors que le président de la République, en personne, appelle à sa destruction devant une assemblée d'évêques? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bastien Lachaud, je ne sais pas si vous avez lu l'intégralité du discours du président de la République, mais c'était un discours d'une grande portée. Il s'adressait aux catholiques, comme il l'a fait dans les temps qui viennent de s'écouler, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, parce qu'il veut parler à la France entière. Et donc aucun ne peut être exclu de la communauté nationale. Mesdames et messieurs, lorsque l'on relit l'histoire de la loi de 1905, on s'aperçoit que certains l'avaient portée comme une loi de combat. Comment Aristide Briand, dans un très beau discours à l'Assemblée nationale, lorsqu'il portait la loi, l'a définie comme une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté d'exercer le culte de son choix à condition que l'on ne porte pas atteinte à l'ordre public. Que peut-on retirer aujourd'hui à cette phrase d'Aristide Briand? C'est la conception qu'a le président de la République de l'unité de la nation française. Tiens, là. Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais.

Maintenant, je vous propose des enregistrements du journal Le Média, journal qui paraît sur le net. Hein, vous tapez Le Média et vous suivez la marche pour avoir ce journal télévisé d'information indépendant, objectif, un vrai travail de journaliste, de la véritable information. Pas comme sur les chaînes plus ou moins officielles, commerciales, auxquelles on ne peut plus faire confiance vraiment. La fronde contre Parcoursup, merci Rémi, excuse-moi, j'ai oublié de te remercier, merci beaucoup pour ce sujet. La fronde contre Parcoursup se renforce, les personnels administratifs et enseignants de l'université Panthéon-Sorbonne ont décidé aujourd'hui d'entrer en grève, au moins jusqu'à l'Assemblée Générale de lundi prochain. Pour eux, et contrairement aux assurances du Premier ministre Édouard Philippe, la tenue des partiels n'est pas garantie. Elle est conditionnée en fait au retrait de la loi dite orientation et réussite des étudiants, et elle est aussi conditionnée au retrait du dispositif Parcoursup. Ils répètent leur soutien à l'occupation illimitée de Tolbiac, aussi appelée commune libre de Tolbiac. La fronde contre Parcoursup, merci Rémi, excuse-moi, j'ai oublié de te remercier, merci beaucoup pour ce sujet. La fronde contre Parcoursup se renforce, les personnels administratifs et enseignants de l'université Panthéon-Sorbonne ont décidé aujourd'hui d'entrer en grève, au moins jusqu'à l'Assemblée Générale de lundi prochain. Hier soir, Hervé Falciani, ancien informaticien et lanceur d'alerte à l'origine des révélations de l'affaire SwissLeaks, a été arrêté à Madrid alors qu'il se rendait à une conférence sur les lanceurs d'alerte. Alors, c'est la Suisse qui a demandé son extradition. On a appelé cet après-midi l'une de ses avocates, Maître Amélie Lefebvre. Elle nous a appris qu'Hervé Falciani avait été relâché aujourd'hui. Elle s'étonne, entre autres, que cette demande d'extradition soit basée sur un motif politique et non pas de droit commun. C'est assez rare. On peut quand même s'interroger sur ce timing opportun quand on sait que l'Espagne a de son côté demandé l'extradition de deux députés du Parlement catalan qui ont fait une demande d'asile politique en Suisse. Et on part au Brésil, le climat est extrêmement tendu là-bas. Hier, la Cour suprême a de justesse ouvert la voie à l'incarcération de l'ancien président de gauche, Lula, qui est donné favori de l'élection présidentielle d'octobre prochain. La plus haute juridiction du pays devait décider si l'ancien chef de l'État allait pouvoir épuiser tous ses recours judiciaires avant d'être éventuellement jeté en prison. Et allait décider que non, à une seule voix de majorité. Rappelons que Lula a été condamné à 12 ans de prison dans une prétendue affaire de corruption lancée par l'équipe gouvernementale de droite qui a déjà destitué l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Désormais, les derniers recours de Lula ne peuvent porter que sur des aspects techniques de son affaire et d'ici quelques jours, il pourrait donc être arrêté, alors même que tous les sondages le donnent vainqueur. La situation est d'autant plus dangereuse que le chef de l'armée brésilienne est publiquement sorti de son devoir de réserve mardi sur Twitter en soutenant la procédure visant Lula au nom de la lutte contre l'impunité. Un fait inédit et grave au Brésil, un pays qu'une dictature militaire, je le rappelle, a brutalisé pendant 21 ans entre 1964 et 1985. C'est une première et un moment important dans le contexte actuel. 15 syndicats et organisations politiques ont appelé ce matin à Marseille à une manifestation commune le 14 avril pour soutenir le mouvement social des cheminots malgré les réserves des états-majors nationaux. Alors, la Fédération des Bouches-du-Rhône, de la CGT, de Sud Solidaire, de l'UNEF, de la FSU et d'ATTAC, mais aussi la Marche mondiale des femmes, le Parti communiste, le NPA, la France insoumise, Rouge Vif et le Parti de gauche étaient réunis au siège de l'Union départementale CGT pour, et je cite, « faire du mouvement des cheminots un symbole de résistance, mais aussi de reconquête. Une marche commune doit donc partir le samedi 14 à 14h du Vieux-Port. Cette première manifestation de la convergence des luttes fait écho à la réunion qui s'est tenue hier soir à la Bourse du Travail. Salut Rémi Kenzo, comment ça va ? Très bien. Ça va ? Tu étais hier soir avec Robin Volley sur place. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance ? Raconte-nous ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Ouais, alors c'était une démonstration de force avec des syndicalistes de la CGT, de FO, de Sud, de CNT et des grévistes de différents secteurs. Pour les organisateurs, Frédéric Lordon et l'intellectuel engagé et François Ruffin, député du groupe de la France Insoumise, cette soirée a été une réussite. Je vous rappelle que la dernière fois que ces deux-là se sont réunis, ça a été nuit debout. On a rencontré plusieurs participants, ils ont beaucoup de choses à dire. Ouvrez les oreilles et regardez, c'est un reportage réalisé avec Robin Volley. On est à la Bourse de Travail de Paris. Un événement qui a été appelé par François Ruffin et Frédéric Lordon sur les réseaux sociaux, ils l'ont intitulé « Et si on essayait quelque chose dans le cadre de la mobilisation actuelle ?» Là, on le voit, on a un peu plus d'une heure d'avance et pourtant il y a déjà pas mal de monde, donc je propose qu'on aille voir ce que ça donne. On a croisé Tauriac et Cheminate en Seine-et-Marne. Tu peux peut-être nous expliquer ce que t'attends de la soirée ? J'attends de la soirée en fait de voir en fait le nombre de métiers qui sont représentés, de savoir en fait vers quel mouvement on se dirige, s'il y a vraiment une convergence de lutte comme on a envie que ça soit en fait par rapport à notre mouvement. Moi je suis en grève reconductible et pas en pointillé. Et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement renonce à la réforme ferroviaire. Il y a vraiment beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance. Les gens à qui on a parlé nous disent tous qu'ils attendent vraiment beaucoup de cette soirée. Ils espèrent vraiment que la soirée puisse donner aussi un nouvel élan au mouvement social. Donc moi je propose qu'on aille écouter ce qui va se dire et puis on va juger par nous-mêmes. La bagarre qui est en train de se ligner avec les cheminots, c'est pas la bagarre entre les cheminots et le gouvernement. C'est une bagarre où si les cheminots sont défaits, c'est tout notre modèle social qui va être défait. Et il y a des centaines et milliers de jeunes, de travailleurs qui refusent de couper les cheminots. Alors on peut dire que j'extravague, qu'il n'existe après tout qu'une simple dérégulation du transport ferroviaire demandée par l'Europe. Je réponds qu'il ne faudra pas 5 ans pour que la SNCF connaisse sa vague de suicide, comme avant elle Orange, la Poste et les hôpitaux. Nous ne laisserons pas faire ça. Notre proposition, c'est de faire déborder la rivière, c'est de faire sa fête à Macron. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Alors, est-ce qu'on peut se permettre une comparaison, vous allez me dire si l'historienne que vous êtes l'autorise, une comparaison entre la façon dont une partie, j'espère très minoritaire de la population française, voit les musulmans et la façon dont, il y a quelque temps, on voyait les protestants. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que les musulmans d'aujourd'hui sont les protestants d'hier. Est-ce que vous acceptez le moins du monde cette, cette comparaison-là? Avec des tas de guillemets, de pincettes, bien sûr, mais les protestants, après l'épisode évidemment extrêmement sanglant des guerres de religion, ne faisaient plus peur d'un point de vue de la violence politique ou de la violence religieuse. Donc, c'était pas tellement la violence qui était crainte des protestants, pas plus que des juifs dans le grand moment antisémite français qu'a été l'affaire Dreyfus. Mais c'est certain qu'il y a un problème des Français avec le concept de minorité. La minorité est mal vue en France, et ça, tout au long de son histoire. Et donc, il y a un peu cette dictature de la majorité qui a du mal à supporter la visibilité minoritaire. Il y a eu un débat récemment sur les crèches, le petit Jésus et compagnie, au moment de Noël. Certaines mairies, certains lieux publics ont installé des crèches, et on a dit, ah, mais au nom de la loi de 1905, au nom de la laïcité, on ne peut pas laisser des crèches. Et d'autres ont expliqué, ah, oui, mais enfin maintenant, ça fait partie de l'histoire française, l'histoire de la France est marquée par le catholicisme, donc il y a cette tradition. Comment vous situez le problème ? Alors, c'est vrai que ça met en jeu des affects extrêmement profonds. Hein. Et face à la différence que représente la culture musulmane qui est réaffichée, réaffirmée, revisibilisée, eh bien, on a tendance à vouloir se raccrocher à des racines traditionnelles, quelque chose qui vous réancre dans votre identité, dans votre tradition. Et la crèche qui se met à Noël, au moment, enfin, qui est un peu la fête des enfants, etc., est considérée comme étant un signe religieux quand même assez banal et assez peu offensif. Et donc, il y a eu un peu ces tentatives par certaines mairies de réaffirmer une identité chrétienne par l'intermédiaire des crèches. La plupart du temps, cela a été complètement retoqué par le Conseil d'État, qui a réaffirmé les principes contenus dans la loi 1905. L'État ne peut pas afficher d'emblème religieux particulier parce qu'il risque de discriminer les autres citoyens. Alors comment est-ce qu'on peut concilier finalement le respect, même simplement la connaissance de l'histoire de France, qui donne au catholicisme une importance toute particulière, avec cette loi de 1905 qui, d'une certaine façon, même si historiquement il n'y a pas d'égalité entre les religions, du point de vue de leur importance, en tout cas numérique ou même historique, la loi de 1905, elle considère néanmoins qu'il y a une égalité entre les gens. Comment on peut concilier l'histoire cette loi qui d'une certaine façon, ne tient pas complètement compte de l'histoire? Oui, mais les lois ne sont pas là pour tenir compte de l'histoire, elles sont là aussi pour changer les choses. Et je pense que c'est une bonne chose que l'État qui est celui qui nous surplombe tous, soit complètement neutre, et que cet État puisse ainsi garantir l'égalité et la liberté de tous les citoyens dans un même espace. Je pense que c'est plutôt un bien, que l'État n'a pas à rappeler une transcendance quelconque. L'État est autre chose, il est d'une autre nature. Et il y a encore des États théocratiques dans le monde, mais je ne pense pas que ce soit un très grand progrès et que ça change grand-chose sur le sentiment d'appartenance des gens. La France a pris une position sur l'interdiction du voile pour les enfants scolarisés au collège, au lycée. Ça n'était pas à l'époque une dérogation à la loi de 1905 ? C'était une inflexion, effectivement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le principe de laïcité en France, c'est essentiellement et presque uniquement une neutralité exigée de l'État et des fonctionnaires, pas du tout des usagers des services publics. Et là, pour la première fois, on rétrécit quelque peu les libertés de certains usagers des services publics en leur imposant une tenue non religieuse. Alors, il y a eu cette interdiction faite, on peut considérer à des mineurs, hein, c'était un peu ça l'argument ultime, c'était de dire, elles ne savent pas, puisque c'était des filles dont on parlait, elles ne savent pas ce qu'elles font, bon, oui. Elles le sauront plus tard, et à ce moment-là, ok, mais on voit par exemple des problèmes posés à des mères, pour les sorties scolaires, par exemple, parce qu'elles sont voilées. Donc ça, on peut dire que c'est en contradiction avec la loi. Alors, la loi n'en parle pas. Hein. Donc, il faut plutôt se pencher sur la jurisprudence. Et ce débat sur les mères accompagnatrices a fait couler beaucoup d'encre aussi, de la même façon que le burkini, en son temps, a fait aussi parler. Il y a effectivement une demande sociale, semble-t-il, et qui est relayée par les politiques, de neutraliser le plus possible l'espace commun. Mais encore une fois, neutraliser l'espace commun, c'est mettre en danger la liberté d'expression, mettre en danger le pluralisme et son fonctionnement dans notre société. Et deuxième chose, je m'étonne aussi que ce soit toujours des tenues féminines qui soient ainsi dénigrées et considérées comme étant dangereuses. Et c'est ça c'est quelque chose qui doit vous intéresser pour l'aspect psychanalytique, c'est quand même incroyablement focalisé sur la tenue féminine. Et je ne parle pas seulement du voile, je parle de la robe à ramages de Cécile Duflot, etc., etc. Et jamais on ne pose le même interdit vis-à-vis de la tenue religieuse de l'homme. Donc il faut peut-être se poser aussi la question de ce rapport aux femmes, et je pense que dans le contexte actuel, cette réflexion peut aussi être poussée. Mais vous savez bien que dans le même temps, en parlant de la laïcité comme on essaye de le faire ici, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais utiliser comme terme, pacifiquement, tranquillement, on va nous dire, certainement pas, je l'espère, les sociaux, mais peut-être d'autres, on va nous dire, ah, vous ne voyez pas le danger de l'islamisme, vous êtes des grands naïfs, au nom de ces belles, de ces beaux principes, vous sous-estimez la menace. Alors, il n'est pas question de sous-estimer la menace, il est question de traiter à égalité les citoyens. Si ces citoyens viennent à outrepasser la loi, à commettre des délits, il est bien évident qu'il ne faut pas l'accepter et la loi s'applique. On ne peut pas préjuger de par une tenue ou un comportement un peu différent dans la société que cette personne va enfreindre une loi quelconque. Mais la tolérance est une vertu nécessaire. Parce que on ne peut pas évidemment adhérer à toutes les convictions qui sont présentes dans la société, mais on doit essayer de, si ce n'est de les comprendre. Bonjour Internet, et bienvenue à la consultation politique du Dr Phi. Je suis heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter un rendez-vous pour cette consultation. Je tiens à m'excuser auprès de vous pour la longue interruption de la fin d'année qui était indépendante de ma volonté. Aujourd'hui, une majorité d'entre vous m'a demandé de répondre à la question suivante, celle de Christophe C. de Fort-Calquier. Cher Dr Phi, les gens de la France insoumise me font bien rire. Ils n'en ont que pour Mélenchon. Mélenchon, toujours Mélenchon. Tout ce qu'il dit de faire, ils le font. Tout ce qu'il dit de dire, ils le répètent. Pensez-vous, comme moi, que ces gens qui se disent insoumis sont en fait tous soumis à Mélenchon ? Cher Christophe, voilà une question qui revient assez souvent, ce qui traduit une forme de perplexité chez bien des personnes. Il est vrai que si l'on se fie uniquement à ce que les journaux télévisés et les titres de la presse nationale rapportent, on pourrait facilement se laisser abuser sur la nature réelle de l'insoumission dont se réclament les militants que vous évoquez. Nous allons donc nous pencher aujourd'hui sur cette épineuse question et y répondre d'une façon quelque peu inhabituelle. En effet, puisqu'il est question de leur autonomie et de leur libre arbitre, qui mieux que les insoumis peuvent exprimer clairement leur point de vue sur la question ? J'ai donc pris l'initiative d'élaborer un petit questionnaire sur ce sujet à l'attention des insoumis qui suivent ces consultations. Voici mes questions et leurs réponses. Alors le chef, il en est le leader. Il en est le leader et le pilier, on va dire, mais le chef, c'est un vilain mot pour moi. Alors non, pas du tout. Ni chef, ni leader, ni aucun mot qu'on peut inventer pour donner une mauvaise image. C'est un porte-parole et il a été représentant en étant candidat à l'élection présidentielle. Et puis sinon, aujourd'hui, il est député et président de groupe et il fait des vidéos et d'autres interventions dans lesquelles il partage des arguments. Donc un porte-parole. Pour moi, il n'est pas un chef. Il y a plusieurs têtes et surtout, il y a un groupe de base énorme qui sont les Français de la France insoumise. Bah alors il peut, s'il a envie. S'il y a d'autres personnes qui ont envie, elles peuvent aussi. S'il y a plusieurs personnes qui ont envie, eh ben, ils discuteront. Puis au pire, on peut faire un vote pour savoir qui a envie de représenter, de tenir ce rôle. Pas force. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand... J'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir, n'est-ce pas, tout à fait exceptionnellement dans le plus simple appareil, une beauté qu'on vient d'arracher, on ne sait pas quoi d'ailleurs, n'est-ce pas, nous présenter le tsar Rabindranath Dival, qui est le descendant authentique des grands tsars, des grands visionnaires de l'Inde, n'est-ce pas? Votre sérénité. Vous avez bien dîné déjà. Vous descendez. Vous descendez des grands tsars de l'Inde, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes né dans l'Inde. Je suis né dans l'Inde. À quel endroit dans l'Inde? À Châteauroux. À Châteauroux. C'est extraordinaire, vraiment. D'ailleurs, je crois savoir des sources de que vous... que votre père était hindou. Hindou, oui. Oui, votre grand-père. Hindou. Et votre arrière-grand-père. Bien hindou. Hein. Voilà. C'est... Donc, par conséquent, n'est-ce pas, là, depuis de longues années, la pratique de la vision hindoue. Dites-moi votre sérénité, vous avez entendu. Vous avez le don de double vue. Oui. N'est-ce pas? Je vois double. Il voit double. Je m'en doutais un peu d'ailleurs. N'est-ce pas? Vous voyez double, mais c'est héréditaire. Héréditaire? Oui, c'est à ta vie. Non, c'est à moi. Non, ma fille. Je veux dire, c'est congénital. Non, c'est quand j'ai trop bu. Oui. Ça revient au même, n'est-ce pas? Il faut dire, n'est-ce pas, je tiens absolument à préciser que sa sérénité fait de grands exercices tous les jours, quotidiennement presque, n'est-ce pas, pour conserver son don de double vue. Il fait le yoga, n'est-ce pas, vous faites le yoga? Oui, oui. Avec oui. Le... Oui, c'est ça. C'est le yoga de... De la narine. C'est ça, le yoga de la narine. Et il surveille également de très près son alimentation. Quelle est votre alimentation? Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner? Uniquement la cuisine à l'huile. À la cuisine des sars? Avec tous les sars, oui. Oui, mais pourquoi? Parce que les sars dînent à l'huile. Parce que les sars, il est extraordinaire, n'est-ce pas? Vraiment, c'est pas tiré par les cheveux du tout, parce qu'il n'y en a plus, n'est-ce pas? Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous permettez, nous allons nous livrer sur quelques personnes de l'assistance publique, n'est-ce pas? À des expériences tout à fait extraordinaires. Votre sérénité, je vais vous donner un microphone, n'est-ce pas, qui est entièrement démontable et complètement cassé, parce que c'est... Pardon, voilà, c'est tout sans fil. Voilà. Votre sérénité, n'est-ce pas, je vais vous demander de vous concentrer soigneusement. Voilà. Vous êtes concentré? Je suis concentré. Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. C'est parfait. Votre sérénité, concentrez-vous bien. Vous oui. Êtes en transe? Oui, je suis en transe napolitaine. En transe napolitaine, ça c'est pour dire qu'il a chaud. Votre sérénité, alors concentrez-vous bien, dites-moi, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Je suis placé sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil dur. Oui. Dites-moi, quel est son caractère? Impulsif, parallèle et simultané. Oui. Quel est son avenir? Monsieur a son avenir devant lui. Mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah, c'est voulu, n'est-ce pas? Il est vraiment extraordinaire. Voulez-vous, je vous dis à présent, s'il vous plaît, me donner le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Ah, c'est bien dit, là, n'est-ce pas? C'est ça, il a raison, il l'a mis dans le mille, n'est-ce pas? Il l'a mis dans les mille, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Dites-moi, votre sérénité, au lieu de vous marrer comme une baleine. Excusez-nous, sa sérénité, n'est-ce pas, est en proie aux divinités contraires de l'Inde. Brahma et Vishnu, n'est-ce pas? Brahma, la guerre, et Vishnu, la paix. Oui. S'il vous plaît, votre sérénité, n'est-ce pas? Voulez-vous me dire quel est l'avenir de mademoiselle? L'avenir de mademoiselle est conjugal et prolifique. Ah, prolifique? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aura des enfants? Oui. Des enfants? Des jumelles. Des jumelles? Combien? Une paire. Ah! Avec la courroie et l'étui. Avec la courroie, c'est extraordinaire. Voulez-vous à présent me dire, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Je me suis placé sous le signe de la Neptune Mercurochrome. Ah! Quels sont ses goûts? Je suis des goûts sportifs. Oui, son sport préféré? Le sport cycliste. Tiens, Il peut pratiquer sans inconvénient? Oui, mais à condition toutefois de se méfier. Se méfier de qui? De quoi? De certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental. Ah! Encore une fois, vous avez mis dans le mille, mais dites-moi, qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal? Je lui conseille vivement de ne pas changer de braquet et de surveiller son guidon. C'est vrai! Votre sérénité, alors, tout à fait autre chose à présent, voulez-vous me dire quel est le sexe de monsieur? Masculin. Oui? Vous êtes certain? Oui, vous pouvez vérifier. Non, non, non, on vous croit sur parole. Dites-moi, quelle est sa taille? Sa taille, 1m76 debout, 1m56 assis, et 0m83 roulé en boule. Ah bon, parfait. Et dites-moi, il pèse combien? Bon, 2 fois par mois. Non, non, votre... N'est-ce pas? Vous pas. 72 kg 500 sans eau, sans gaz, ils ont de l'électricité. Oui. Dites-moi, quel est le degré d'instruction de monsieur? Secondaire. Oui, c'est exact. Est-ce que monsieur a des diplômes? Oui. Oui. Monsieur est licencié. Ah, licencié. Licencié GL. Licencié GL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il travaille au Garé Lafayette et qu'on est foutu à la porte. Ah! S'il vous plaît! Votre sérénité, concentrez-vous bien. Combien monsieur a-t-il dedans? Hein? Combien monsieur a-t-il dedans? 30 dedans et 2 dehors. Voilà, très bien. Monsieur a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. Ah, quel complexe? À certains moments, il prend sa vessie pour une lanterne. Ah. Et alors? Et alors, il se brûle. Eh oui, ça c'est... Votre sérénité, mais bien sûr, vous... dites-moi votre sérénité, mon petit bonhomme. Dites-moi, de quelle nationalité, madame? Française. Oui, et son père? Esquimau. Oui. Et sa mère? Pochette surprise. Très bien. Et ta sœur? La sœur est pas le beurre quand t'es oui, pas le beurre. Oui, non, bon, oui, ça va. Escroc. Différent. Voilà. Espèce de mal élevé. Oui. Mauvaise éducation, excusez-le. C'est pas, il n'a pas longtemps qu'il en a une touche là-dessus, tiens. Et encore, il y a 3 ans, il n'avait même pas un plateau, n'est-ce pas? Il avait directement le pied de la table. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire? Oui. Quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je peux vous dire que vous n'avez plus votre texte. Si vous êtes si intelligent, dites-moi donc ce que je dois vous demander à présent. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, c'est très important, concentrez-vous. Pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, bravo, c'est extraordinaire. Alors, c'est vraiment sensationnel. Votre sérénité, quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip. Oui. De quelle teinte? Saumon fumé. Tiens, tiens. En quoi est-il? En chachelic mercerisé. Ah. Et là, ici, particulier? Oui, il y a quelque chose écrit dessus. Quoi donc? Suivez la flèche. C'est venu. Votre sérénité, monsieur, que voici, que voilà. A-t-il... Monsieur, il est sourdingue en plus. Ou alors il est rond. Votre sérénité, monsieur, a-t-il un signe particulier? Oui, un tatouage. Ah, un tatouage très intéressant, oui. N'est-ce pas? C'est bien examiné. C'est bien. Je ne lui fais pas dire, c'est bien exact. Et où se trouve situé le tatouage de monsieur? Je suis extrêmement fatigué, je m'excuse. Mais non, alors, voyons. Mais c'est très délicat, monsieur Croix, et je suis très fatigué. Non, monsieur Schumacher, s'il vous plaît. Il est dans un état épouvantable, excusez-le, n'est-ce pas? Il m'arrive dans la... Votre sérénité, je vous demande où se trouve situé le tatouage de monsieur. Le tatouage de monsieur est situé à un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, par là, j'entends pas grand-chose. Non, mais... Je consens. Espèce de malotrou. C'est normal d'ailleurs, elle n'a pas dit de s'asseoir. Alors, que représente le tatouage de monsieur, s'il vous plaît? Bon, le tatouage de monsieur représente, enfin, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, le tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence, ah, et de l'autre un épisode de la prise de la Smada d'Abdelkader par les troupes du Domal en 1843. Ah! Et de plus? Et c'est en couleur! Et c'est en couleur! Bravo! Mes félicitations, monsieur, vraiment! Si, si, si, si, vraiment, très bien! Mes compliments, madame, mes compliments! Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver, c'est parfait! Votre sérénité! Ouais. Votre sérénité, vraiment, vous avez été extraordinaire, c'est vrai, vraiment, il est vareuse. Ouais. Il est unique, pardon, je me suis trompé de vêtements, mais ça ne fait rien. Ne reste plus qu'à envoyer des baisers à l'assistance publique, espèce de mal élevé, n'est-ce pas? Vous voulez envoyer des baisers à l'assistance publique pendant que je dis bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs! créateur de cette chansonnette, passé jadis pour un vrai chevalier. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux boches, par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français, pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste, afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grands coups de Vichy au régime collaborationniste. Bien sûr maintenant, ça devient gênant, car tout de même, ces saletés-là, quoi qu'on puisse dire, ça ne s'oublie pas. Mais à côté de cette racaille honteuse, dont la conscience est un billet de 1000 francs, il y a la France, fière, digne et douloureuse, toute la France et ses millions de braves gens. Parmi ceux-ci est une élite rude, vivant symbole des vertus du pays, qui préférant tout à la servitude, armes à la main, a pris le maquis. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, des hommes au grand cœur, sans reprocher, sans peur, qui combattent pour que notre France soit toujours à l'avant-garde de l'honneur, n'ayant simplement pour tout ralliement qu'un seul mot, rien qu'un seul, résistance. Étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français. Étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français. Bonjour monsieur. Oui, toujours avec la petite caisse. Oui, pardon, monsieur Riazuelo, je suis très contente de vous rencontrer. Déjà parce que je crois que dans ce plateau, bah, vous êtes celui qui, homme dans son nom de famille, a le plus de voyelles. Hein. Riazuelo, il y a A-E-I-O-U, il lui manque que le Y. Et autant de voyelles, ça amène au voyage. Et comme vous êtes en plus astrophysicien, eh ben, c'est un voyage vers l'univers que nous allons faire. Alors, l'univers, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce très gros vide hyper spacieux qu'on voit généralement quand on marche dans la rue au-dessus de nos têtes, hein, et qui, parfois dans la nuit, montre des éléments assez visibles, hein, comme les planètes, les étoiles et aussi parfois les trous noirs. Alors trous noirs, une petite photo, voyez là, voilà. Alors un trou noir, qu'est-ce que c'est? Bah, contrairement au trou normand qui lui est constitué de calvados et donc a une couleur plutôt ambrée, le trou noir a effectivement une couleur plutôt noire. Et quand on s'approche dans le trou noir, regardez bien qu'est-ce qu'on voit. Regardez bien qu'est-ce qu'on voit. On ne voit strictement rien. On a l'impression que l'écran est éteint. Et là bien sûr du coup ça pose une question. Est-ce que le régisseur technique est trop sous, bourré, pour envoyer la photo au bon moment dans l'émission, ou est-ce que c'est le trou noir qui n'émet pas assez de lumière et qui fait qu'on ne le voit pas? Eh bien, la réponse est bien sûr les deux. Sauf que comme on ne veut pas incommoder la famille du régisseur, vu qu'on est à la télé, on ne va pas en parler, on va se concentrer donc sur les trous noirs. Alors, bien sûr, le trou noir, du coup, on le comprendra, n'émet pas assez de lumière, parce que contrairement à Nawel ou à Noémie, qui sont rayonnantes, hein, parce qu'elles émettent de la lumière, eh bien, le trou noir, lui, se la garde, il la piège comme ça. Et alors vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Il est grave. Et bah oui, il est grave. Justement, il a beaucoup de gravité, l'attraction gravitationnelle. Alors qu'est-ce que c'est l'attraction gravitationnelle? Et ben c'est cette force qu'on connaît sur la Terre qui fait tomber les tétés des femmes, hein, comme ça. À part bien sûr ceux de Noémie parce qu'ils sont très frais. À la même mais vitesse. Voilà. Mais normalement, hein, c'est comme ça. Voilà, ça attire au niveau du sol, c'est-à-dire que le globe terrestre attire les globes mammaires au même titre que les hommes sont attirés même par les globes mammaires. Et c'est vrai que l'attraction, ça c'est la formule, hein, l'attraction, vous le verrez, c'est-à-dire que, c'est que la force est vraiment proportionnelle à la masse. Et c'est ce qui fait que du coup, regardez bien, c'est ce qui fait que du coup, Noémie attire deux fois plus de regards des hommes que moi. Parce que ses seins sont deux fois plus massifs, donc la force d'attraction va être plus massive aussi. De la même façon que la Terre est beaucoup plus massive que la Lune, hein, et c'est ce qui fait que du coup, elle a vraiment une force, elle, comme si c'était un gros sein énorme. C'est-à-dire que sur la Lune, les éléments rebondissent, alors que regardez, là c'est par exemple, hop, je prends une seringue, bam, regardez, elle tombe, une pince à linge aussi, un serpent, regardez, c'est pareil, tout est attiré par le sol parce qu'il y a une très forte attraction gravitationnelle. Et sauf que là, moi j'ai envie de vous dire, oui, bon, on dirait que c'est colossal, mais par rapport à un trou noir, hein, qui lui a une masse extrêmement grosse, hein, c'est 4000 soleils carrément, et ben là, voilà, là on est vraiment sur du hein, c'est-à-dire que c'est vraiment comme un TT immense avec une très très forte attraction, au point que non seulement dans le trou noir, la matière est attirée, mais aussi la lumière, hein, là le serpent est tombé, il a attiré la matière, mais pas la lumière, et ben sur le trou noir, on n'aurait même pas vu la lumière du serpent, et c'est pour ça que le trou noir paraît noir. En fait, le trou noir n'est pas un trou, c'est une masse tellement massive qu'il absorbe à la fois matière et lumière. Et donc justement, comme les trous noirs que j'ai matérialisés ici par de superbes effets spéciaux ont une forte attraction de gravité, voilà, et ben si jamais ils se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Et ben il se passe comme deux personnes qui s'attirent, paf, collision, fusion totale et coup de foudre, hein, ça fait, c'est un véritable coup de foudre, ça donne une espèce de tube noir, bon là c'est un petit peu, hein, voilà, mais l'énergie qui est développée, hein, j'ai envie de dire, est extrême, c'est 50 fois, c'est en une seconde, 50 fois l'énergie de je vais même pas le mettre là, de toutes les étoiles visibles, hein, de leur énergie en une seule seconde. Et donc en fait, il se produit du fait de ce choc, ce que prévoyait, hein, monsieur Einstein, qu'on connaît très bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir, alors là c'est pareil, hein, l'effet spécial est incroyable. Il va y avoir en fait une énergie tellement forte. Regardez, ceci est la galaxie. On dirait une omelette, je sais pas, une omelette de Tchernobyl. Et en fait, justement, l'énergie est tellement forte que regardez, si je veux juste ça, regardez, en fait, bon, normalement, ça marchait mieux, mais regardez, le geste est vraiment très équivoque. Mais en tout cas, en fait, on avait déjà eu la rencontre des trous noirs aussi, c'était bien. Voilà. C'est une préparation. En fait, il va y avoir du coup non seulement des ondes de choc qui vont déplacer la matière, mais c'est là où c'est le plus fou. Et ce que prévoyait Einstein, c'est que même l'espace-temps, même le temps, va être compressé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça, j'avoue que je n'ai pas compris. Mais j'imagine Vous non plus, ça moi. Non, mais j'imagine que c'est comme en amour. En amour aussi, quand il y a des ondes comme ça de choc, le temps se compresse et décompresse. Je veux dire, on passe par des alternances entre waouh, le temps s'arrête avec toi, waouh, le temps passe si vite, waouh, le temps s'arrête, waouh, le temps passe si vite, waouh, le temps s'arrête, waouh, le temps passe si vite. Donc, en fait, certainement que le trou noir, c'est le début de la vie en rose.